Bras dessus, bras dessous, joue contre joue, gai comme le moineau sur la même branche, gai comme deux amants au bas du dimanche, gai comme deux écoliers le jour des vacances. Pour nous ça commence. Et quand nous nous aimons, notre amour sent bon comme un drap séché au vent des lavandes, bon comme un fruit croqué au vent des vendanges. Sur la même branche, gai comme deux amants au bal du dimanche, gai comme deux écoliers le jour des vacances. Tous les jours que Dieu fait, nos joies recommencent. Et quand nous nous aimons, notre amour sent bon comme un drap séché au vent des lavandes, comme un fruit croqué au vent des vendanges. Quand nous aurons 100 ans, tous les deux comme à 20 ans, bras dessus, tout court battu, bras dessous.